Les assassins fantômes par Georges Grison. Chapitre 1er. La famille du tailleur. Au mois de septembre 1900 et quelques, venait s'installer à Rambouillet, avenue de la gare, un petit tailleur, arrivant, disait-il, du nord. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, d'apparence solide, mais affligé d'une paralysie des jambes. Sa femme et son fils, qui l'accompagnaient, avait été obligé de le descendre du train et l'avait traîné sur une voiture de malade à travers la ville jusqu'au logement qu'il avait retenu à l'avance par lettre. La femme, sans être aussi invalide que son mari, était, elle, boiteuse de la jambe gauche. Le fils portait d'énormes lunettes bleues et semblait avoir beaucoup de peine à se diriger dans les rues. Seule une jeune fille de 18 à 19 ans, le second enfant de ce ménage, était grande, bien faite et très appétissante, avec l'opulente chevelure blonde qui lui encadrait le visage. Le tailleur déclara se nommer Pierre de Coninck. Sa femme s'appelait Clorinde et ses enfants Jean et Marthe. Il sollicita la clientèle de la ville, promettant de satisfaire les plus exigeants. En effet, les deux ou trois personnes qui se risquèrent à mettre son savoir-faire à l'épreuve furent excessivement contentes. Les étoffes étaient excellentes, la coupe très élégante et les prix tout à fait modérés. Le bruit s'en répandit vite et bientôt les commandes affluèrent chez de Coninck. Il les exécutait avec une merveilleuse ponctualité. Installé toute la journée sur son établi, secondé par sa femme et son fils, il allait vite en besogne. Quant à sa fille Marthe, qui était elle couturière, elle trouva rapidement du travail chez les dames de Rambouillet. Elle prenait l'ouvrage chez elle ou allait en journée au gré des personnes qui voulaient bien l'employer. On commença par lui donner à faire des raccommodages. Elle s'en tira à merveille, transformant une vieille robe de façon à la faire paraître presque neuve. Voyant cela, on se risqua à lui confier la confection des toilettes et on fut étonné et enchanté de son habileté. « Elle a des doigts de fée, » disaient les clientes. Plusieurs jeunes gens de la ville essayèrent de lui faire la cour. Elle les repoussa sans brutalité, mais avec une fermeté qui les força de convenir qu'elle était la plus honnête fille qu'on pût rencontrer. Tout allait donc pour le mieux. La famille du tailleur gagnait bien sa vie. Toute la journée était consacrée au travail. Le soir venu, on plaçait le paralytique sur sa petite voiture et sa femme et son fils se relayaient pour le conduire jusque dans la campagne afin de lui faire prendre l'air. Toute la ville considérait avec la plus grande sympathie ces bonnes gens. Un événement imprévu vint encore augmenter l'estime et la considération qu'on avait pour eux. En quittant son pays natal, un chef-lieu de canton des environs de Lille, M. de Coninck avait, disait-il, vendu son fonds. L'acquéreur lui redevait encore quelque argent. Un jour, il reçut par la poste un chèque de 600 francs sur la Société Générale. C'était le solde du prix de vente. Comme il lui fallait toucher lui-même ce chèque, on le hissa sur sa petite voiture et on le conduisit place Félix-Faure au siège de la Société. Là, en considération de son état, on n'exigea pas qu'il descendît, et un employé vint à la porte, lui remettre les fonds contre son acquis. Cela ne se fit pas sans qu'on le sût en ville. On en parla même beaucoup, à cause de la dérogation qui avait été consentie par le directeur aux habitudes de la banque. Or voilà que la nuit suivante, des cambrioleurs pénétrèrent dans la maison du tailleur, forcèrent les meubles et s'emparèrent, non seulement des 600 francs, mais encore de quelques économies que possédait le pauvre ménage. Cela fit un bruit énorme dans Rambouillet. Tout le monde plaignit le malheureux de Coninck, tombé tout à coup dans la détresse la plus complète. On fut d'autant plus indigné que les voleurs s'étaient adressés à un modeste travailleur. Certes, le vol est toujours infâme, mais dans le cas présent, il devenait 100 fois plus odieux. La gendarmerie ouvrit une enquête. Elle ne put obtenir que peu de renseignements. De Coninck déclara n'avoir rien vu, rien entendu. Son fils, sa femme et sa fille couchaient au premier étage, et c'était dans la boutique au rez-de-chaussée que l'argent était placé. Les voleurs avaient opéré sans laisser la moindre trace. Émus de pitié, plusieurs personnes voulurent ouvrir une souscription pour procurer au pauvre tailleur les moyens de renflouer son industrie. De Coninck s'y opposa et ne consentit qu'à accepter d'un gros négociant de la ville un prêt de 200 francs qu'il s'engagea à rembourser à raison de 50 francs par mois. Ces paiements furent faits avec une stricte exactitude, et la réputation de la famille de Coninck en devint encore mieux établie. 6 mois se passèrent sans incident nouveau.